Et maintenant, comment dit-on mettre? Poner. Poner, oui. Hein? Et je le mets ici? Pongolo aquí? Non, c'est lo pongo aquí. Hein? Le pronom ne se place après le verbe que dans trois cas. Premièrement, avec l'infinitif. Par exemple, je veux le faire. Quiero hacerlo. Je peux le faire. Puedo hacerlo. Littéralement, faire-le. Mais on peut aussi dire lo quiero hacer. Lo puedo hacer. Deuxièmement, pour dire je suis en train de le faire, on peut dire estoy haciéndolo ou lo estoy haciendo. Là aussi, le pronom lo, me, te, etc. peut se placer soit collé à la fin, soit avant le verbe conjugué. Le troisième cas, c'est quand vous donnez un ordre affirmatif. Dans ce cas, on n'a pas le choix. Il faut accoler le pronom à la fin. Alors, comment direz-vous? Faites-le. Vous vous adressez à usted. Hágalo. Encore une fois. Hágalo. Hágalo, oui. Hein? Hágalo. Mais ne le faites pas, ça sera... No lo haga. No lo haga, oui. Hein? Car c'est seulement quand on donne un ordre affirmatif que le pronom se place obligatoirement à la fin. Hágalo. Alors, je le fais, se dit... Lo hago. Lo hago, oui. Je ne le fais pas. No lo hago. No lo hago, oui. Et pourquoi est-ce que vous, usted, ne le faites pas? ¿Por qué no lo hago? Pourquoi est-ce que vous, usted, ne le faites pas? Ah oui. ¿Por qué no lo hace? D'accord. ¿Por qué no lo hace? Et pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? ¿Por qué no lo haces? D'accord. ¿Por qué no lo haces? Et pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Cette fois, la question s'adresse à ustedes. ¿Por qué no lo hacen? C'est ça. ¿Por qué no lo hacen? Hein? Vous avez bien accentué, bien clairement. Hein? ¿Por qué no lo hacen? Faites-le. Là encore, vous vous adressez à ustedes. Háganlo. Très bien. Háganlo. Mais ne le faites pas maintenant. No lo hagan... Ahora. No lo hagan ahora. Alors, mettez-le ici. Se dira, vous vous adressez à usted. Póngalo aquí. D'accord. Hein? Póngalo aquí. Et ne le mettez pas là. Hein? Là se dit allí. No lo ponga allí. C'est ça. No lo ponga allí. Et apportez-le. Traigalo. Tout à fait. Traigalo. Hein? Traigalo. Apportez-le. Apportez-moi quelque chose. Traigame algo. Bien. Traigame algo. Et apportez-le-moi. Traigamelo. Oui, traigamelo. Hein? Apportez-le-moi. Et ne me l'apportez pas maintenant, parce que je n'en ai pas besoin aujourd'hui. No lo... Ne me l'apportez pas. D'accord. No me lo traigo... Traiga... D'accord. Dites-le à nouveau. No me lo traiga. No me lo traiga. Encore? No me lo traiga. No me lo traiga. Oui. Maintenant. Ahora. Parce que je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Porque no lo necesito... aujourd'hui. Hoy. D'accord. No lo necesito hoy. Donc, no me lo traiga ahora. Ne me l'apportez pas maintenant. Porque no lo necesito hoy. Parce que je n'en ai pas besoin aujourd'hui. No me lo traiga ahora. Porque no lo necesito hoy.